إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous entamons inshallah un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan على الجادة du Cheikh Abdussalam Al-Suhaymi حفظه الله تعالى. Et nous nous sommes arrêtés toujours dans son introduction à son ouvrage, et il dit Hafizahullah Ta'ala, wa yajibu al-amalu ala tasfiyati al-islam mimma ulsiqa bih mimma laysa minhu. Donc il est un devoir, une obligation de purifier, nettoyer l'islam de tout ce qui lui a été introduit alors que normalement cela n'en fait pas partie. Wa tarbiyatu an-nash' al-muslim ala al-islam al-haq المستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة. Et d'éduquer les générations musulmanes sur l'islam authentique. L'islam authentique, c'est As-Salafiyya. L'islam authentique, c'est Ahl-Sunnati wal-Jama'a. L'islam authentique, c'est le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui leur ont succédé convenablement. Donc, de les éduquer sur l'islam authentique qui découle, qui provient de la source pure qui est le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, toute idéologie, toute doctrine, tout credo, toute opinion qui est contraire à la voix des pieux prédécesseurs, tout cela ne fait pas partie de l'islam. Tout mouvement inventé, innové, basé sur des règles dont les fondateurs ou les leaders ont eux-mêmes émis, tout cela est à rejeter parce que c'est contraire à la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Wadhoud an hadha ad-din, et de défendre, de prendre la défense de cette religion, et de le faire apparaître, de faire apparaître cette religion en lui donnant l'apparence qui lui convient. Allah a fait don de bien pour cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il aura parachevé leur religion. La religion, elle est complète. On n'a plus ni à y ajouter, ni à enlever quoi que ce soit. La religion, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, c'est le message qu'il a transmis, qui était son devoir, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui dit « Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik » وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ô toi le messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. طيب وإتمام نعمته عليها, et il les a comblés, la communauté du prophète Mohammed sallam, de ses bienfaits. ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل دينا سواه. Et Allah a été satisfait pour cette communauté en leur donnant la religion musulmane, l'islam, et Allah n'accepte et n'agrée aucune religion en dehors d'elle. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque choisit une autre religion que l'islam, cela ne sera point accepté de lui, et le jour du monde dernier, il sera parmi les perdants. Donc il n'y a qu'une seule religion acceptée par Allah tabarak wa ta'ala, c'est l'islam. Allah n'accepte plus la législation du prophète Isa alayhi salam après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'accepte plus la législation de Moussa alayhi salam après la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. La législation acceptée d'Allah tabarak wa ta'ala est agréée, c'est la législation du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ça, c'est si ceux qui se prétendent étant des suiveurs de Moussa et Isa alayhi salam avaient la véritable et l'authentique législation de ces prophètes alayhi salatu wa salam. Que dire alors qu'ils ont falsifié, altéré les législations en ajoutant, en enlevant quand bon leur semblait selon les époques et selon les lieux, et qu'ils ont falsifié et changé les livres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de législation acceptée et agréée par Allah et qui sauve du feu de l'enfer si ce n'est la législation du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, car sa législation est venue abroger toute législation précédente. Et le Coran révélé au prophète Mohammed est venu abroger tout livre sacré révélé auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dans le sens du verset: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Un des derniers versets révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelques mois avant sa mort alayhi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur dans la plaine de Arafat pendant le pèlerinage d'adieu. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Et Allah nous dit aussi dans le sens du verset: et voilà mon chemin droit, suivez-le. Et ne suivez pas les autres voies, les autres chemins qui vous feront dévier de son chemin. Donc il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, agréé et accepté d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le chemin qu'il a ordonné à toute personne de suivre. Le chemin sur lequel était le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et sur lequel étaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Le prophète alayhi salatu wa salam, un jour il était dehors avec ses compagnons et sur le sable il trace un trait droit. Et sur les côtés, à droite et à gauche de ce trait droit, il a tracé plusieurs petits traits. Et en mettant son doigt et en le passant sur le trait droit, et il l'a récité, il a dit: voilà le chemin d'Allah. Et il a récité ce verset: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Et c'est, il dit alayhi salatu wa salam, et les voies, les petites voies qui sont à droite et à gauche, à la tête de chacune d'entre elles, il y a un démon, un diable qui appelle. Donc toutes les sectes qui entreprennent, qui suivent des chemins autres que le chemin droit, le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans leur chemin, au final, il y a un diable, un démon qui appelle. Ce ne sont que des chemins du diable. Qu'ils soient plus ou moins éloignés de la droiture, mais au final, à la tête de ces chemins, il y a un diable qui appelle. Car ces chemins font sortir, font éloigner, font dévier du droit chemin, qui est le chemin sur lequel était le prophète alayhi salatu wa salam. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. Et donc, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, et ceci, parce que le chemin qui amène à Allah est unique. C'est un seul chemin. وَهُوَ مَا بَعَثَ بِهِ رُسُولَهُ. Et c'est ce avec quoi il a envoyé ses messagers. La voie avec laquelle il a envoyé ses messagers et ses prophètes, c'est un seul chemin qui est le chemin d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui amène à lui. وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ. Et avec ce chemin, il a descendu, l'a fait descendre et révéler ses livres. وَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقَ. Et personne ne pourra atteindre Allah tabaraka wa ta'ala si ce n'est par ce chemin légiféré par Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَوْ أَتَى النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ وَاسْتَفْتَحُوا مِنْ كُلِّ بَابٍ فَالطُّرُقْ عَلَيْهِمْ مَسْدُودَةً وَالْأَبْوَابُ عَلَيْهِمْ مُغْلَقَةً. Et si les gens venaient par tout chemin, chacun vient par son propre chemin, et qui frappe, chacun frappe à la porte. Il prend un chemin, il arrive à une porte, et qu'il toque à cette porte pour qu'on lui ouvre, alors qu'il sache que tous ces chemins sont fermés. Au final, il n'y a pas d'ouverture. Et toutes les portes auxquelles ils vont atteindre, ils les trouveront fermées. Ils ne s'ouvriront pas, parce qu'il n'y a qu'une seule porte. C'est la porte qui est au final du droit chemin. C'est le seul chemin qui mène à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quoi que disent les gens, qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul chemin. Vous imaginez les soufis, wal'iyadhu billah, ils disent il y a autant de chemins qui mènent à Allah que de nombre d'âmes, de créatures. C'est-à-dire on est 5 milliards, il y a 5 milliards de chemins qui amènent à Allah. Et c'est pour cela que chacun d'entre eux peut s'inventer un chemin, peut faire une secte et avoir des suiveurs. Wal'iyadhu billah. Dans tous les pays, dans toutes les régions, combien il y en a ? Des centaines, peut-être même des milliers, wal'iyadhu billah. Et chacune prétend que tous ces chemins, au final, ils mènent à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ils prétendent que leur shir, leur fondateur, leur leader, leur wali, leur saint, qu'ils vénèrent en dehors d'Allah, ils reçoivent de la révélation, comme un prophète, wal'iyadhu billah. Ils disent, vous, les gens qui suivez l'apparence, ou ce qui apparaît de la religion, c'est comme ça qu'ils appellent les gens qui ne sont pas soufis. Comme si ces gens-là étaient des gens qui ne faisaient qu'apparaître un islam, mais à l'intérieur, ils n'ont rien. Wal'iyadhu billah. L'état des hypocrites. Vous, vous suivez ce qui est apparent, mais nous, on s'occupe de ce qui est encore plus important, c'est l'intérieur. Nous, on fait le travail intérieur. Vous, vous occupez de l'extérieur. Et ils disent sur ces gens, vous, vous prenez votre religion de mortel lorsque vous dites un tel d'après un tel d'après un tel. Alors que nous, on le prend directement du vivant qui ne meurt pas. Et combien de propos ils ont, wal'iyadhu billah, qui sont contraires à l'islam authentique. Et on a vu que l'auteur, il parle de nettoyer, de purifier l'islam de ce qui a été introduit, alors qu'en réalité, cela n'en fait pas partie. Parmi ces choses, il y a ce genre de doctrine et d'idéologie qui sont fausses. Et ils disent, on a besoin d'apprendre ce qui apparaît de la religion pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au même moment où tu vas chez des chiours, chez des savants, pour apprendre ta religion, tu te dois de donner ta main à un maître soufi pour qu'il t'emmène à Allah. Wal'iyadhu billah. Alors que toute personne sensée qui a un minimum de connaissances, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé l'intérieur, l'extérieur? Non, ils vont de pair. Tu appliques intérieurement et tu appliques extérieurement. Est-ce que les sahaba, radiallahu anhum, certains étaient connus pour avoir la connaissance de l'intérieur et d'autres les connaissances de l'extérieur? L'islam n'était qu'un, n'était pas divisé. Tout cela n'est que pure invention. Wal'iyadhu billah. Et shaitan leur embellit les choses. Et ils disent, qu'il y avait dans les pieux prédécesseurs des gens qui étaient connus pour la spiritualité. Qu'ils sachent que la spiritualité fait partie de l'islam. L'islam, c'est un travail de l'intérieur et de l'extérieur. Et ils vont de pair. Si l'intérieur il est bon, cela se reflétera dans l'extérieur. Et si l'intérieur il est mauvais, cela se reflétera aussi dans l'extérieur. Tayyib. Illa min hadha at-tariq, on est toujours dans la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Illa min hadha at-tariq al-wahid, fa innahu muttasilun billah, mousilun ilayhi, intaha. Sauf celui qui vient par ce chemin, le chemin légiféré par Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin des prophètes et des messagers. Car ce chemin est lié à Allah subhanahu wa ta'ala et il amène à lui. Fin de citation pour la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Et sachez que beaucoup de sectes ou de mouvements qui existent aujourd'hui, beaucoup de leur idéologie provient du soufisme. Parce que leur leader, leur fondateur, était à la base des soufis, comme les frères musulmans, comme les tablirs. Leur fondateur, avant de fonder leur mouvement, ils étaient dans des sectes soufis. Donc, en inventant un nouveau groupe ou une nouvelle tendance dans la religion, ils y ont introduit dans cette nouvelle donne des idées de soufisme. Comme le fait d'être attaché à des maîtres soufis, d'appartenir et de s'affilier à une secte soufie. Et puis, même dans les règles du mouvement, d'avoir des leaders à qui on prête allégeance. Alors que l'allégeance ne se prête qu'aux gouvernants, à l'autorité réelle. Eux, ils ont introduit à l'intérieur de l'autorité du pays une autorité à qui ils donnent leur allégeance et qu'ils obéissent plus qu'à la réelle autorité. Wal'iyadhu billah. Ils appellent souvent à contrer, à se soulever contre l'autorité qui est dans le pays, à tort ou à raison, mais jamais ils ne le feront avec leur leader et leur fondateur du mouvement. Ils discutent sur l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ramenant des philosophies qu'Allah n'a jamais révélées. Mais pour les ordres de leurs leaders et de leurs chefs du mouvement, jamais ils ne réfléchissent. Ils obéissent comme un soldat qui obéit à sa hiérarchie, aveuglément. Wal'iyadhu billah. Tayyib. Et ça, c'est pris du soufisme. Puisqu'il t'est demandé dans le soufisme, lorsque tu es un adepte, d'être devant ton maître comme le mort devant celui qui le lave. Ça, c'est leur parole. Tu dois être devant ton maître comme le mort devant celui qui le lave. Celui qui est mort et quelqu'un le lave, peut-il faire quelque chose? Rien. Il est à sa merci. Eh bien, il est demandé à un adepte d'être comme si, comme avec le maître soufi. Et ils ramènent comme preuve de leurs actions l'histoire de Moussa alayhi salam, avec qui? Avec Al-Khadir. Moussa avec Al-Khadir. Que Al-Khadir lui a dit, tu me suis et tu ne me poses aucune question. C'est-à-dire, tu vas voir des choses qui vont t'interpeller, mais tu ne m'en poses pas la question. Al-Khadir fait des actes qui, à nos yeux, on ne peut rester sans... Et donc... Moussa intervient. Pourquoi as-tu tué cet enfant? C'est un enfant, il est innocent. Le Khadr lui rappelle, ne t'ai-je pas dit de ne pas me poser de questions? Ça y est, excuse-moi, je ne recommencerai pas. Taïb. Ils sont dans le bateau, dans la barque. Des gens les prennent. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? À trouer la barque. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux nous couler? Ces gens-là, ils nous prennent avec eux pour la traverser. Et toi, ce que tu trouves à faire, c'est de transpercer la barque. Et le ne t'ai-je pas dit de ne pas me poser de questions? Et lui dit, donne-moi encore une chance. Ils viennent, ils demandent l'hospitalité. On ne leur donne pas. Et ces gens-là, à côté d'eux, il y a un mur qui va s'effondrer. Ils redressent ce mur. Ils lui disent, tu aurais pu leur demander une récompense, un salaire pour le travail que tu viens de faire. Et là, Al-Khadr, il lui dit, stop, on arrête là. Ça y est. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et puis à la fin, Al-Khadr, il dit une chose. Je ne l'ai pas fait de moi-même. Ça, c'est, tout ce que j'ai fait, c'est Allah qui me l'a demandé. Et beaucoup de ulama disent qu'Al-Khadr, c'est un prophète. Eux, qu'est-ce qu'ils disent les soufis? Ce n'est pas un prophète, c'est un homme saint. Et c'est pour ça qu'ils disent souvent, les saints sont au-dessus des prophètes. Parce qu'un prophète a été prendre de chez un saint. Et ils se servent de ce récit, faussement, avec une mauvaise explication et une mauvaise interprétation. Et c'est vrai que ça prête à confusion. Et ils disent, regardez Moussa, il lui était demandé de ne pas poser de questions. Donc si tu vois le maître soufi faire des choses, ne pose pas la question. C'est en toi qu'il y a un problème. Et non pas dans l'agissement du maître soufi. Vous avez vu comment il leur lave la cervelle pour ne plus poser de questions. Nous, on va voir des atrocités, mais ils vont dire oui, parce que vous, vous ne comprenez pas. Ça ressemble au tablir. Quand ils racontent des récits qu'on a du mal à accepter, ils disent parce que tu n'as pas encore l'yakin. Subhanallah, tu n'as pas encore la certitude. Il faut avoir la certitude pour accepter ce genre de récit. Tout ça, ce sont des enseignements soufis. Et ils en profitent pour comme ça, les gens ne les embêtent pas avec les questions. Parce que les maîtres soufis, certains d'entre eux, disent que lorsque tu as atteint un certain degré, qui est la certitude, tu n'as plus besoin d'adorer Allah. Ça, c'est pour les autres. Vous, vous en avez besoin pour vous purifier. Mais lui, ça y est, il a atteint le sommet. Il n'a plus besoin. Ça ressemble aussi un peu au tablir. Les tablirs, ils ont un grade qu'ils appellent Al-Qudama. Bien, ceux qui ont déjà connu ça, ils le savent. Ce sont les Qudama, c'est-à-dire les anciens. Ça, c'est un ancien du tablir. Eux, ceux-là, ne sont plus, on ne les appelle plus à faire le khuruj. C'est bon, ça y est, ils en ont assez fait. C'est bon. Mais ils demandent aux autres, oui, vous devez le faire. Que des inventions, jamais Allah n'a révélé, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Et en plus, le récit de Moussa al-Salam, c'est que Moussa fut questionné. Qui est le plus savant? Et Moussa a parlé en tant que créature. Concernant les créatures, il a dit, c'est moi. C'est le prophète et le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, va vers tel endroit, il y aura quelqu'un qui a un savoir que tu n'as pas. Parce qu'il aurait dû dire que c'est Allah. Mais lui, il a parlé entre créatures. Et quand il est arrivé à Al-Khadr, Al-Khadr, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Allah m'a donné un savoir que toi tu n'as pas. Et Allah t'a donné un savoir que moi je n'ai pas. À chacun ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Tayyib. وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إليه. Voilà. Donc, en tant que créature créée par Allah tabaraka wa ta'ala, et notre créateur nous connaît mieux que nous-mêmes envers notre propre personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui a la science infinie sait qu'on aura des divergences. Qu'on divergera sur des questions, grandes ou petites, dans les bases, les fondements ou dans les branches. On divergera. Allah nous a créés ainsi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissés à nous-mêmes sans aucune réponse authentique. Mais il a envoyé des prophètes et des messagers et il a fait descendre des livres pour mettre un terme aux divergences. Qu'il y ait divergence, discussion, c'est normal. Mais on nous a enseigné comment mettre un terme réellement à ces divergences. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne lors de divergences de retourner à lui. De retourner à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la personne sensée, saine d'esprit, qui cherche la vérité. Mais si la personne, Allah lui a mis un voile, alors personne ne pourra lui enlever ce voile. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Tayyib. Wa ila rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et de retourner à son messager sallallahu alayhi wa sallam. والرد الى الله هو الرد الى كتابه. Et de retourner à Allah, c'est le fait de retourner à son livre, al Quran. والرد الى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد اليه في حال حياته. Et de retourner à son messager صلى الله عليه وسلم, c'est de retourner à sa propre personne du prophète عليه الصلاة والسلام durant sa vie. وإلى سنته بعد وفاته. Et de retourner à sa sunna, à sa tradition après sa mort عليه الصلاة والسلام. قال تعالى, le Très-Haut nous dit, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ça c'est la suite de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager ainsi qu'à ceux qui ont le commandement parmi vous. Ceux qui ont le commandement, ce sont les gouvernants et les ulama. Et le verbe, l'ordre, à l'impératif, obéissez, n'a été employé que deux fois et non pas trois fois. Alors qu'il y a l'ordre d'obéir à Allah, à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui ont le commandement. Mais l'ordre d'obéir n'a été donné que deux fois. Et pour la troisième catégorie, qui est ceux qui ont le commandement, leur obéissance, pour leur obéissance, l'impératif n'a pas été employé. Pourquoi ? Il y a une raison. On obéit à Allah tabaraka wa ta'ala. On obéit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une obéissance complète, sans discussion. Allah te demande, tu accomplis, tu te soumets. Son messager, sallallahu alayhi wa sallam, t'ordonne, tu accomplis, sans discussion. Et tu ne dis pas quelle est la preuve du messager. En lui-même, il est une preuve, alayhi salatu wa sallam. Mais après, ce sont les gouvernants et les ulama. Leur obéissance, elle n'est pas complète. On leur doit obéissance que lorsque cela entre dans l'obéissance à Allah et à son messager. Que si dans leur demande, il y a la désobéissance à Allah et à son messager, on ne leur doit pas obéissance. Donc, cette obéissance, elle est paramétrée par l'obéissance à Allah et à son messager. C'est pour cela que le Imam nous explique pourquoi le verbe n'a pas été réemployé une troisième fois. Parce que là, c'est une obéissance qui est restreinte par rapport à l'obéissance à Allah et à son prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une chose que les chiites, les soufis et beaucoup de sectes ne peuvent pas comprendre. Puisqu'ils vouent une obéissance à leur leader, à leur maître complète. Wal'iyadu billah. Irréfléchi. Tayyib. Donc, et à ceux qui ont le commandement parmi vous, et si vous divergez sur une chose, alors retournez-la à Allah et à son messager. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, au début du verset, qui est interpellé ? Qui est interpellé ? Les croyants. Ya ayyuha alladhina amanu. Et là, Allah nous dit, si vraiment vous croyez en Allah au jour dernier, si vraiment tu crois en Allah au jour dernier, t'accepteras de retourner à Allah et à son messager. T'accepteras d'en revenir au Coran et à la Sunna. Si tu n'acceptes pas, c'est que dans ta foi, il y a un problème. Dans ta compréhension de l'islam, il y a un problème. Et quelle mauvaise éducation. On parle d'éducation. Bien sûr que dans l'éducation, mais beaucoup de gens, quand ils parlent du terme éducation, et de bon comportement, il pense à quoi? Le relationnel entre les créatures. Et c'est important. Et cela est demandé. Mais ils oublient la bonne éducation qu'on a face aux paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, face aux paroles du prophète, alayhi salatu wa salam. Elle est où l'éducation là? Quelle est l'utilité, soi-disant, entre guillemets, de se comporter convenablement avec les créatures et on se comporte mal avec Allah et son prophète, alayhi salatu wa salam? En premier lieu, le meilleur comportement que tu as, c'est envers ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Puis envers son prophète, alayhi salatu wa salam. Puis après vient le comportement envers les créatures. Et comment tu sais le bon comportement à avoir envers les créatures, si ce n'est le comportement qui est puisé du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Tayyib. Fa kalimatu, donc, si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est meilleur et de meilleure interprétation. Fa kalimatu shay, donc la parole shay, fa in tanaza'tum fi shay'in, sur une chose, huna nakira, il est indéfini, il n'y a pas l'article de défini qui est elle. Il n'a pas dit fi shay'i, il a dit fi shay'in. Et donc shay, il est nakira, c'est-à-dire indéfini. Fi siyaq al-shart, dans une phrase qui est au conditionnel. In kuntum. In kuntum, si vraiment. Donc au conditionnel. Ta'ummu kull ikhtilaf at-tadad fi al-usul wa al-furu'. Et cela, c'est-à-dire que cela concerne toutes les divergences auquel il faut en arriver à une réponse, à trouver la bonne opinion, que ce soit dans les bases de la religion, les fondements de la religion ou les branches, les détails de la religion. Yaqul ibn al-Qayyim rahimahullah. Et donc cette explication sur le terme shay, cela est pris de Al-Sheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah dans son tafsir Adwa'u al-Bayan. Yaqul ibn al-Qayyim rahimahullah, wa law lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasulihi bayan hukmi ma tanaza'u fihi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur bil radd ilayhi. Et si dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas le jugement pour lequel il y a eu la divergence et que la réponse retrouvée dans le Coran et la sunna ne soit pas complète, parfaite, jamais Allah ne nous aurait ordonné de retourner à son livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est impensable qu'Allah nous ordonne, lors de divergences, de retourner à lui et à son messager, puis qu'on puisse croire qu'en retournant au livre à la sunna, on ne trouvera pas la réponse à nos questions. C'est impensable qu'Allah nous demande une chose qu'on n'est pas capable d'atteindre. إِذْ مِنَ الْمُمْتَنَعْ أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّدِّ عِنْدَ النِّزَاعِ إِلَى مَنْ لَا يُوجَدُ عِنْدَهُ فَصْلُ النِّزَاعِ. Car c'est impossible. Il est impensable qu'Allah nous ordonne de retourner à un arbitre auprès duquel il n'y aura pas de jugement pour la question. Ce n'est pas possible. Si Allah nous ordonne de retourner au livre à la sunna, c'est qu'en retournant au livre à la sunna, on aura la réponse à nos divergences et à nos questions. Wa qala ta'ala, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Et Allah le Très-Haut nous dit, certes ceux qui ont émietté, qui ont divisé leur religion et qui se sont retrouvés en plusieurs tendances, tu ne fais pas partie d'eux, tu es innocent d'eux, tu n'as rien à voir avec eux. Car le prophète sallam a appelé à l'union et au suivi d'un seul chemin. Donc ceux qui se sont retrouvés en shia, qui est le pluriel de shia, ici c'est le terme arabe, et non pas le terme technique qui est donné à une secte qu'on appelle les Shia. Le terme Shia en arabe. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. C'est dans le Coran. Shia, c'est ceux à qui tu t'affilies, ceux que tu vas suivre. Et Shia, on les appelait comme ça parce qu'eux se sont affiliés à Ali. Et on les appelait Shi'atu Ali. Shi'atu Ali. Puis plus tard, c'est devenu le nom de leur secte. Sinon, à la base, c'est un terme arabe. Et donc là, Shia, c'est le pluriel de Shia qui veut dire les tendances, les groupes. Taïb. Donc, tous ceux qui ont émietté la religion et qui se sont retrouvés en plusieurs tendances, ceux-là, le messager en est innocent. Le messager les désavoue. Il n'est pas avec eux. Jamais il appelait à cela, alayhi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, et le Très-Haut nous dit, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dans le sens du verset, et quiconque fait scission, se sépare du messager, alayhi salatu wassalam, après que la guidée lui soit expliquée, lui soit montrée, et ne suit pas le chemin, la voie des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans la géhenne, et quelle mauvaise demeure! فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a menacé ceux qui suivront un autre chemin que la voie des croyants. Qui sont les croyants au moment de la révélation? Ce sont les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. L'ordre de suivre les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Le chemin sur lequel étaient sahaba, c'était un devoir, une obligation. On ne sera jamais de véritables, d'authentiques musulmans si on ne suit pas la voie des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. C'est eux qui ont appliqué l'islam authentiquement et réellement. Tayyib. Fadalla ala anna tiba'a sabilihim fi fahmi shar'illahi wajib. Ceci prouve. Dans ce verset, il y a la preuve que de suivre leur chemin, leur voie, dans la compréhension de la législation, des lois d'Allah, est une obligation. On n'a pas le droit de suivre une compréhension autre que celle des compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum. Une fois, il y avait un soufi, il voulait essayer de prouver qu'un de leurs grands maîtres, si ce n'est leur grand maître, Ibn Arabi, At-Ta'i al-Andalusi, qui n'a rien fait de mal. Mais dans son explication, il n'a rajouté au mal que du mal. Il dit, Ibn Arabi, alors qu'Ibn Arabi, combien de ulama l'ont rendu mécréant pour les ouvrages, les doctrines qu'il avait, wal-iyadu billah. Il a fait un tafsir du Coran, il a dit c'est un tafsir batini. C'est-à-dire que c'est les sens cachés des versets. Lui, il les a, les sens cachés. Tous ceux qui ont fait du tafsir, eux, ils ne l'avaient pas. Donc voilà, donc toutes les explications des versets, lui, il va te ramener une autre explication. C'est le sens intérieur des versets et non pas extérieur. Wal-iyadu billah. Cet homme, Ibn Arabi, qui est appelé à la doctrine de l'unité existentielle, qu'on appelle Wahdatul Wujud, que toute l'existence n'est qu'une, que tout ce que tu peux voir n'est que Allah, c'est Allah. Il n'y a pas le créateur et les créatures, tout est Allah, tout est une partie d'Allah, wal-iyadu billah. Il a ramené un kufr que l'imam al-San'ani, rahimahullah, a dit, qui ne connaît pas de créature plus mécréante que Ibn Arabi, vu les choses qu'il a ramenées. Et c'est lui qui a dit, a'udhu billah, les paroles qu'il a dites. Et le chien et le porc n'est que notre divinité. Pourquoi ? Parce que ce sont des créatures et c'est une partie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Et il dit, le problème des chrétiens, ça a été de rendre la divinité en Isa. De l'avoir enlevé des autres créatures et de l'avoir mis dans Isa. Wal'iyadhu billah. C'était ça leur problème en vérité. Hada ibn Arabi, Naam, cet homme disait, ce soufi, il disait que Ibn Arabi n'a pas ramené une nouvelle religion. Mais il a ramené une nouvelle compréhension de la religion. Vous voyez une différence ? Est-ce que vous voyez une différence ? Il n'y a pas de différence. Dans la religion musulmane, c'est quoi ? On ne comprend rien dedans. Il n'y a pas une compréhension. Il y a une compréhension. C'est laquelle la compréhension ? Celle des pieux prédécesseurs. Enseignée par le prophète, les compagnons, tabi'in. Il a dit non, il a ramené une nouvelle compréhension de la religion. Wal'iyadhu billah. Il a pensé en faisant cela qu'il défendait Ibn Arabi. Wal'iyadhu billah. Tayyib. Wa mukhalafatuhu dalal. Et d'aller à l'encontre de la compréhension des pieux prédécesseurs, des croyants premiers qui sont sahaba, radiallahu anhum, est un égarement. وأثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. Et Allah تبارك وتعالى a fait les éloges des premiers prédécesseurs parmi les émigrés, les muhajirin, et ceux qui leur ont prêté secours, les Ansar, رضي الله عنهم وعلى من اتبعهم. Et de même qu'Allah a fait les éloges à ceux qui les ont suivis. Faqal, et il dit, subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Dans le sens du verset, et les premiers, les prédécesseurs, parmi al-muhajirin, donc les émigrés mécois, les musulmans de la Mecque qui ont émigré vers Médine, radiallahu anhum, wal-ansar, ceux qui leur ont prêté secours, qu'on traduit parfois par les auxiliaires, ceux qui ont prêté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux muhajirin, les habitants de Médine, parmi les tribus de l'Aus wal-Khazraj, radiallahu anhum, et ceux qui les ont suivis convenablement. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah les agrée et eux l'agréent. Allah est satisfait d'eux et eux en sont satisfaits. Qui ? Al-Muhajirin. C'est une génération qui est partie. Radiyallahu anhum. Ce sont les musulmans de la Mecque, les premiers qui ont émigré. Cela, Allah les a agréés. Allah a été satisfait d'eux. Wal Ansar, c'est une génération qui est partie. Ce sont les musulmans originaires de Médine qui ont prêté secours et donné refuge au prophète sallam et aux compagnons de la Mecque. Radiallahu anhum ajma'in. Taïb. Cela, Allah les a agréés. Comment les chiites peuvent-ils venir et dire que la majorité sont devenus des mécréants? Lorsqu'Allah a agréé quelqu'un, Allah sait qu'il mourra en tant que croyant. Subhanallah. Comment peuvent-ils venir dire des choses semblables? Wal'iyadhu billah. Et comment ça se fait que certains vont aller défendre ou aller soutenir pour des questions politiques? Subhanallah. Elle est où la croyance, le dogme? L'amour d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est où la vraie balance de jugement concernant les œuvres et les propos des gens? Sayyid Qutb, les frères musulmans, père, ils ne veulent pas que quelqu'un parle en mal de Sayyid Qutb. Les Qutbis, ceux qui suivent les idées de Sayyid Qutb, les Takfiri, pareil. Tous ces gens-là, pourquoi? Alors que Sayyid Qutb s'est permis de parler en mal de certains compagnons. s'est permis de manquer de respect à un prophète, alayhi salatu wassalam, à Moussa, alayhi salam. Et il se permet, avec toute sa liberté, de parler en mal de Amr ibn al-As, radiallahu anhu, de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qu'il ne considère même pas son califat. Et qu'il dit que son califat n'est qu'un trou entre celui de Omar et de Ali, radiallahu anhum. Combien de propos sur Abu Sufyan, sur Hind bint Utba, sur Muawiya, il a fait plaisir aux chiites en faisant cela. Jusqu'à que lorsqu'ils ont pris leur pouvoir en Iran, il y a un boulevard ou une avenue à Téhéran qui s'appelle Sayyid Qutb. Wal'iyadhu billah. Et lorsque des ulama ont voulu démontrer les erreurs de Sayyid Qutb, et en plus c'est un bien pour lui, il n'est plus de ce monde. S'il n'avait pas laissé d'ouvrage, il n'avait pas laissé de traces, personne n'en parlerait. Combien sont morts? Peut-être avec des idées dangereuses. Mais personne n'est au courant. Ils sont morts, ils sont partis vers leur Seigneur. Ils auront leur jugement près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais celui-là, il a laissé des livres. Il a laissé des adeptes qui le suivent. Il a fait revivre l'idéologie des Khawarij. Et qu'on en subit les conséquences jusqu'aujourd'hui. Tous les mouvements en général, extrêmes, de takfir, quel que soit leur degré dans le takfir, la plupart et leurs maîtres à penser ont puisé cette idéologie dans les ouvrages et les écrits de Sayyid Qutb. Parce que ces ouvrages poussent à cela. Wal'iyadhu billah. Et donc, tellement qu'ils sont aveuglés, et ça c'est un des problèmes du sectarisme et du suivi aveugle, ils ne veulent pas en entendre parler. Alors qu'ils se permettent de parler en mal des ulama de la sunna. Des ulama de la sunna. Combien de termes on entend? Un tel, il ne connaît pas telle chose. Un tel, il ne sait pas dans quelle époque on est. Un tel, il est dur. Un tel, il est. Ils se permettent. Wal'iyadhu billah. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi un autre chemin que la sunna. Il ne peut aimer les ulama de la sunna que quelqu'un qui est dans la sunna. Tayyib. Donc, et les premiers, les prédécesseurs, parmi le Muhajirin et l'Ansar, et ceux qui les ont suivis convenablement. Après le Muhajirin et l'Ansar, après les générations des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, viennent les Tabi'in. Les Tabi'in, en tant que Tabi'in, en tant que génération qui est venue juste après, sont-ils cités dans le verset? Non. Ceux, la génération d'après? Non. Génération d'après? Non. Nous? Non. Ceux après nous? Non. Tous ceux qui viennent après les compagnons ne seront introduits dans ce verset et donc ils gagneront la satisfaction divine que s'ils suivent convenablement et de la meilleure manière al-muhajirin et al-ansar. Il nous faut cette condition. Eux, Allah les a agréés. Et tous ceux qui viennent après, et c'est pour ça que la génération d'après, on les appelle al-tabi'in, parce qu'ils ont suivi les compagnons. Ce sont ceux qui ont suivi les compagnons. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Et ceux qui les ont suivis. Donc, pour gagner l'agrément, la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on se doit obligatoirement de suivre le chemin des compagnons, radiallahu ta'ala, anhum. Allah les agrée, et eux l'agréent, et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم. Et le prophète sallam nous a bien démontré que les meilleurs des hommes, les meilleurs des gens, ce sont d'abord sa génération, puis la génération qui vient à suivre. فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري في صحيحه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens, c'est ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après celle-ci. Rapporté par al-Bukhari dans son authentique. وامر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين وحذر من مخالفتهم. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de suivre sa sunna et de suivre la sunna de ses califes bien guidés, des compagnons après lui. وحذر من مخالفتهم, et il a mis en garde contre le fait d'aller à leur rencontre, de faire le contraire de ce que eux nous ont enseigné. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc dans ce hadith, le prophète rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa huwa hadith sahih. Donc dans ce hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, et il est authentique, le prophète sallam a dit: alors suivez ma sunna et celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Attachez-vous à cette tradition et mordez-la à pleines dents. Et attention, une mise en garde contre toute nouveauté en religion, car toute nouveauté en religion dans le domaine culturel est une innovation, et toute innovation est un égarement. Il n'y a pas de bonne innovation. Là, on parle dans le domaine culturel, dans le domaine d'adoration, et non pas dans le domaine mondain. Là, on peut innover dans le domaine mondain. Ça, c'est le progrès mondain. Mais dans le religieux, on se contente de ce qui nous a été demandé dans les croyances, dans les actes d'adoration. On se contente de ce qui nous a été demandé et on ne rajoute rien d'autre. Ni on enlève, ni on rajoute. On fait ce qui nous est demandé dans la religion, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, les sectes? Ils ont dit, il y a des bonnes innovations. Tout pour légitimer leur mal. Wal'iyadu billah. Et ils vont chercher dans les textes ce qui pourrait les appuyer. Wal'iyadu billah. C'est ce qu'on appelle après les ambiguïtés. Ils vous ramènent des ambiguïtés et vous entendez un texte avec l'explication qu'ils vous ont donnée et vous y croyez. Wal'iyadu billah. Ils ne viennent jamais les mains vides. Les sectes ont toujours un texte sur lequel ils s'appuient. Mais le texte n'a pas été ramené dans son contexte, ni avec la bonne compréhension, mais plutôt par l'interprétation ou l'explication d'un tel ou d'un tel qui est contraire à l'explication et l'interprétation des pieux prédécesseurs et des gens de la sunna. Une fois un Habash, il disait, et c'est la même chose pour les autres, hein, mais là, c'est en l'occurrence, c'est un récit. Il discute, et en discutant, vu qu'on lui dit que ce qu'il fait, c'est une innovation, il dit, mais nous, on est conscients, comme ça, on est conscients que beaucoup de choses qu'on fait, le prophète ne l'a pas fait. Mais c'est une bonne innovation. Vous imaginez, ça veut dire que tu essaies de lui faire comprendre que tel acte n'existait pas, n'était pas appliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui veut te dire, ne te fatigue pas, je le sais déjà. Ou un tablir qui a dit quoi? Il a dit, moi je sais que le prophète n'a jamais fait le khuruj, mais moi je le fais. Après, ils disent quoi dans leur discours? Le meilleur chemin, c'est le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi tu fais un chemin qui n'est pas le sien? Alayhi salatu wa sallam. Et combien d'exemples il y en a? Tayyib. Donc, wa wasafa sallallahu alayhi wa sallam al-firqa al-najiyah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit la faction rescapée. Biqawlihi ma ana alayhi al-yawm. وأصحابي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. Et le prophète les a décrits en disant qui sont la faction rescapée, qui sont le groupe sauvé. C'est qui? Il y en a, il a dit quoi? Il a dit c'est les musulmans, quelle que soit leur tendance, par rapport aux mécréants et aux polythéistes, ceux qui ne sont pas musulmans. Il a dit c'est eux le groupe sauvé. Wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la division interne à l'intérieur de la communauté musulmane. Et dans cette division, il y a un groupe de gens qui seront toujours sur la vérité. C'est le groupe sauvé, la faction rescapée. Et donc dans ce hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi ibn Majah, il est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ainsi que mes compagnons. Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui des compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum. فدلت هذه النصوص وغيرها على وجوب اتباع الكتاب والسنة ووجوب اتباع سبيل المؤمنين. Donc, tous ces textes qu'on vient de citer prouvent et sont un argument qui prouve l'obligation de suivre le livre et la sunna et l'obligation de suivre la voie des croyants. وأولى المؤمنين الذين يجب اتباع سبيلهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيل وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. Et les premiers dans le terme croyant, les premiers qui passent dans ce terme, les premiers qu'on retient dans ce terme et dont il est un devoir de suivre leur chemin, ce sont les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu précédemment, dans un cours précédent, dans la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, qui est dans l'ouvrage « I'lamu al-muwaqi'in », il dit « Et tous parmi les compagnons sont des gens qui reviennent, qui se repentent à Allah, tabaraka wa ta'ala, et il est une obligation de suivre leur chemin. Et leurs paroles, leurs opinions et leurs croyances fait partie en premier lieu de leur chemin. Wa yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Et le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le sixième à être entré dans l'islam. Il le dit lui-même. J'étais le sixième à entrer dans l'islam. C'est parmi les premiers, les prédécesseurs. Le premier qui a récité le Coran ouvertement devant la Kaaba et devant Quraysh. Il était petit de taille, les jambes arquées. Mais le prophète Hassan m'a dit, parce qu'il avait les jambes fines, que ses jambes étaient plus lourdes dans la balance d'Allah que toute la montagne de Uhud. Omar ibn Khattab a dit de lui, c'était un récipient rempli de science. Le grand sage, c'est un grand savant parmi les savants des compagnons, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, il dit, suivez et n'innovez pas, il vous a été suffi. Il y a suffisance dans ce qui nous est demandé. On n'a pas besoin d'innover. Wa yaqulu l'imamu Ahmed, rahimahullah, usulu sunnati indana, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, والاقتداء بهم وترك البدع. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, dit, les fondements, les bases de la sunna chez nous, c'est quoi? C'est de s'attacher, de se cramponner sur le chemin sur lequel étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de les suivre et de délaisser les innovations. فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. Et donc il est un devoir, une obligation pour tout musulman de suivre le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. ورغبة مني في المشاركة في الدروس التي تلقى في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بقسم النشاط فقد ألقيت والحمد لله عدة دروس تتعلق بالمنهج الصحيح منهج السلف الصالح. Et donc le cheikh, l'auteur du livre, Abdussalam al-Suhaymi, حفظه الله تعالى, il dit, et dans l'envie de participer aux leçons, aux cours qui sont donnés dans la faculté de la jurisprudence de la charia des lois islamiques dans l'université islamique de Médine. J'ai participé en donnant plusieurs cours concernant Al-Manhaj, concernant la méthodologie de Ahl Sunnah, de Salaf authentique, la voie des pieux prédécesseurs, les Anna Salafiyya, car Salafiyya ta'ni veut dire Ittiba'u din l'islam ala ma kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi Salafiyya? C'est de suivre la religion de l'islam comme l'ont suivi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa man, ainsi que la voie de ceux qui les ont suivis selon leur méthodologie et leur chemin. Et comme on a vu précédemment, ce n'est pas toute personne qui met comme étiquette salafi que cela veut dire obligatoirement qu'il est salafi. Qui se prétend salafi, qu'il est obligatoirement salafi, jusqu'à vérification de ses paroles, de ses actes, ce à quoi il appelle, est-ce que c'est en conformité ou pas. Et c'est pour cela que les ulama de la sunna de tout temps, de toute époque, font le nettoyage et purifient la voie droite, le chemin convenable de tout ce qui n'en fait pas partie. Et pour certaines personnes, parfois il y a de l'incompréhension, mais c'est parce que c'est l'ignorance qui prime chez eux. Et ils ignorent ce que les savants savent. Et donc le savant, ce n'est pas un amusement. Et il aurait préféré que telle ou telle personne soit dans la droiture. Mais si la personne n'est pas dans la droiture, il est un devoir pour lui de le dénoncer, surtout si c'est une personne qui prêche, si c'est une personne qui a des suiveurs, si c'est une personne qui a un impact. Donc le danger, il est encore bien plus grand. Et selon le degré du danger, le savant fera une mise en garde contre telle personne ou tel mouvement, puisque les gens tombent dans ses filets et dans son piège. Et combien se sont infiltrés dans la da'wa salafiyya? Certains, en pensant que leur méthodologie, leur idée, c'est le bon chemin. Mais après discussion, ils peuvent revenir et se corriger et se repentir. Et la porte, elle est ouverte. Mais certains y sont pour des raisons. Certains, soit ils se sont donné des missions, on leur a donné des missions. Et ils s'infiltrent pour faire du mal de l'intérieur. Comme des mécréants, des polythéistes entrent dans l'islam pour nuire à l'islam depuis l'intérieur, certains essaient d'entrer dans les rangs des salafis pour nuire. Et au fond, lui, il se peut qu'il soit takfiri, qu'il soit ikhwani, qu'il soit je ne sais quoi, de quelle secte, et il entre à l'intérieur pour y émettre des ambiguïtés. Il se dit, si je me fais passer pour un salafi, j'aurai plus de facilité à leur parler. J'aurai plus de facilité à me faire accepter. J'enlève les barrières. Et parfois, les frères ont une confiance et ils l'écoutent en pensant qu'il est des leurs. Et les ambiguïtés commencent à arriver. Et les fausses idées commencent à arriver. Et les mauvaises idéologies commencent à arriver. Et les mauvaises doctrines commencent à arriver. Wal'iyadhu billah. Mais il n'y a rien à craindre. Ils rusent, mais ils ne pourront rien faire devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, à toute époque, il met des savants qui viennent nettoyer et purifier. Et que cela plaise ou ne plaise pas à certains. Tayyib. Donc, plusieurs cours, leçons concernant la méthodologie authentique, celle des pieux prédécesseurs. Tayyib. Wa qad raghiba minni ba'd al-ikhwa an atba'a hadhihi ad-durus. Et il dit, certains frères m'ont demandé de publier ces cours qu'il a donnés, car c'était des cours bénéfiques. فَرَاجَعْتُهَا وَأَضَفْتُ إِلَيْهَا بَعْضَ الْإِضَافَاتِ الْمُتَعَلِّقَ بِالْمَوْضُوعِ. Donc, j'ai relu ces cours et j'ai rajouté certains points qui concernent le sujet. وَرَأَيْتُ مِنَ الْمُنَاسِبِ تَسْمِيَتُهَا كُنْ سَلَفِيًّا عَلَى الْجَدَّ. Et j'ai eu l'idée de nommer cet ouvrage « كُنْ سَلَفِيًّا عَلَى الْجَدَّ ». وَقَدْ تَضَمَّنَتْ الْأُمُورُ التَّالِيَةِ. Et cet ouvrage comporte les points qui vont suivre. En intention, il dit « Qala Cheikh al-Allama al-Doktour Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah al-manhaj a'ammu min al-aqida » Donc pour expliquer le terme « manhaj », il dit « Cheikh al-Fawzan hafidhahullah al-manhaj » c'est un terme plus global, plus général que le terme « aqida » qui est le dogme. « Al-manhaj yakounu fil aqida wal-suluk wal-akhlaq wal-mu'amalat » Wa fi kulli hayatil muslim kullu al-khitta allati yasiru 'alayha al-muslim tusamma manhajan. Donc il dit al-manhaj, qui est la méthodologie. La méthodologie, elle est dans quoi? Dans le dogme, dans le comportement, dans l'éducation, dans le relationnel, dans toute la vie du musulman, dans tout ce qu'il entreprend. Le musulman, eh ben, ça fait partie du manhaj. On dit manhaj et on dit minhaj. C'est le même terme, son synonyme. Minhaj, un kasra sur le mim et un alif après le ha. Minhaj et manhaj. Amma al-aqida fayuradu biha aslul iman. Et le terme aqida, qui est le dogme en français, il est voulu par ce terme la base de la foi. ومعنى الشهادتين ومقتضاهما et ce concerne aussi le sens des deux professions de foi, des deux témoignages, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, et ce qui découle est voulu par ces deux témoignages. Hadhihi hiya al-aqida, voilà ce qui est voulu par le terme aqida. Ceci est tiré de son ouvrage al-ajwibatu al-mufida, un livre de questions-réponses dans le domaine du manhaj de Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et il met aussi comme annotation sur le choix du titre. Le choix du titre. Wa hadhihi at-tasmiya ma'khudhatun mimma dhakarahu Cheikh al-Fadil al-Doktour Bakr Abu Zayd rahimahullah fi kitabihi al-Qayyim Hilyatu Talib al-Ilm. Et ce titre du livre, il est pris d'une phrase cité dans l'ouvrage du Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah ta'ala. Cheikh Bakr Abu Zayd était un savant parmi les savants de Riyad, min hayth kibar al-ulama, mais sur des questions de manhaj rahimahullah, qui a des ouvrages très très bénéfiques et reconnus par les ulama, mais que dans certaines questions de manhaj, il avait eu certains soucis, et c'est ce qui a fait que certains ulama ont réfuté et répondu à ces ambiguïtés, surtout que lui, il en était arrivé un peu à défendre Sayyid Qutb et à essayer de trouver des excuses pour les erreurs de Sayyid Qutb ainsi que de Hassan al-Banna. Donc il avait eu ce problème-là et Cheikh Rabi' et d'autres mashayikh ont répondu à ces erreurs. Les takfiri, les ikhwan, beaucoup de gens ennemis de l'islam, de la sunna, ennemis de la sunna, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne lisent pas, ils ne s'intéressent pas à Bakr Abu Zayd, rahimahullah. Mais lorsque Bakr Abu Zayd, Cheikh Rabi' était très ami avec Bakr Abu Zayd. Et en tant que savant, lorsqu'il avait écrit un ouvrage en réfutation à des erreurs de Sayyid Qutb, il lui en a envoyé un exemplaire avant l'impression. C'est une habitude qu'ont les savants, parfois de faire relire leur livre avant de l'imprimer, pour voir s'il n'y a pas des annotations bénéfiques, s'il n'y a pas peut-être une erreur commise. Et donc, il lui a envoyé. Et la réponse a tardé à venir. Puis, Cheikh Rabi' apprend qu'il y a une petite lettre. En petit format, elle ne fait même pas 4 pages. Sous le nom de Bakr Abu Zayd, en réponse à l'ouvrage que veut publier Cheikh Rabi'. Et cette petite lettre, elle a été publiée en millions d'exemplaires. Qui est derrière tout ça? En peu de temps, Cheikh Rabi' contacte Bakr Abu Zayd. Et il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, je ne sais pas. Moi, j'ai répondu à ta demande et j'ai donné ça à quelqu'un pour qu'il te le ramène. Peut-être que c'est cette personne qui a regardé ce qu'il y avait dans la lettre et il l'a ramené à des gens pour la publier ou il en a fait une photocopie. Cheikh Rabi' lui a dit, pas de problème. Contre-attaque cette lettre de toi-même, puisqu'elle est, on dit qu'elle est de toi. Donc, réponds à cela. Il lui a dit, je vais le faire. Bon, pour X raisons, Cheikh Bakr Abouzer, rahimahullah, il ne l'a pas fait. Lorsque Cheikh Rabia a vu qu'il n'y avait pas de réponse, c'est lui-même qui a répondu à cette lettre. Et comment ils l'ont appelé? Ils lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé Ar-Risalat al-Dhahabiyya, lettre d'or. Ah, ça, ils étaient contents. Une défense pour cette Qutb. Pourquoi ils ne le font pas pour les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, wal'iyadu billah? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi ce suivi aveugle, wal'iyadu billah? Puis Cheikh Rabir a répondu par un ouvrage de près de 200 pages à ces 4 pages. Un grand ouvrage qui s'appelle Al-Hadd al-Fasil bayn al-Haqq wal-Batil. C'est-à-dire le point distinctif entre la vérité et le mensonge, entre le vrai et le faux. Hiwarun ma'a Bakr Abu Zayd. Discussion, dialogue avec Bakr Abu Zayd. Et il a pris point par point et il a répondu Hafidhahullah ta'ala wa rahimallah al-Sheikh Bakr Abu Zayd. Donc c'était important, puisque son nom a été cité, de vous préciser cela. En même temps, c'est une réponse si jamais quelqu'un se posait des questions. Tayyib. Donc dans son livre, Hilyatu Talib al-Ilm, qui est, si on peut dire, le bijou de l'étudiant. C'est un livre sur le bon comportement dans les études religieuses. Comment on étudie? Quel est le comportement à avoir? C'est un ouvrage. Et dans ce livre, Haythu Qal, qu'est-ce qu'il dit? Rahimahullah, أثناء كلامه على آداب طالب العلم في نفسه. Donc dans le chapitre de ce livre, dans le chapitre, le comportement ou les bonnes manières, les bienséances de l'étudiant en science pour lui-même, pour sa propre personne, envers lui-même, le comportement envers lui-même, قال, il lui dit, كن سلفيا على الجد. Soit un salafi correct, convenable. Ça, c'est Cheikh Bakr Abu Zayd qui dit cela dans son ouvrage. Hilyatu Talib al-Ilm. Tariq al-Salaf al-Salih min al-Sahaba, radiallahu anhum. Qui est le chemin des prédécesseurs, des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, radiallahu anhum. Faman ba'dahum. Et ceux qui sont venus après eux. Mimman qafa atharahum fi jami'i abwab al-din. C'est-à-dire ceux qui sont venus après eux, ceux qui ont suivi et qui étaient sur leurs traces dans tous les chapitres de la religion, que ce soit dans le monothéisme, c'est-à-dire dans le dogme, dans la croyance, et dans les adorations, et les choses semblables, mutamayyizan biltizami athari rasulillah sallam, en restant attaché, en te distinguant, en te montrant quelqu'un d'attaché au récit et aux traditions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa tawdhifi sunani ala nafsik, et que tu appliques les sunnah sur ta propre personne, wa tarkil jidal wal mira, et que tu t'éloignes, tu délaisses les polémiques et les discussions futiles dans la religion, wal khawdi fi ilm al kalam, et de t'éloigner de ilm al kalam, c'est tout ce qui est philosophique, وَمَا يَجْلِبُ الْأَثَامِ, et tout ce qui pourrait t'amener à un mal, وَيَصُدُّ عَنِ الشَّرْعِ, et qui t'éloigne et te fait dévier de la législation. Donc, ça c'était en annotation. Et cet ouvrage comporte les points qui vont venir. أولاً, premièrement, المقصود بالسنة, ce qui est voulu par le terme سنة. ثانياً, deuxièmement, المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة, les noms légiférer pour al-sunnati wal-jama'a. Thalithan, troisièmement, al-maqsoud bis-salaf, ce qui est voulu par le terme al-salaf. Rabi'an, quatrièmement, wujub idhar madhhab al-salaf, l'obligation de faire apparaître la voie, le chemin des prédécesseurs. Khamisan, cinquièmement, jawazul intisab ila al-salaf wa at-talaqqub bis-salafiyya, l'autorisation de s'affilier aux pieux prédécesseurs et de se donner comme titre salafi. Sadisen, sixièmement, manhaj salaf fil aqida, la méthodologie des pieux prédécesseurs dans le dogme. Sabi'an, septièmement, ahammu mumayyizat al manhaj al salafi, les particularités les plus importantes de la voie salafi. Thaminan, huitièmement, manhaj ahli al bid'a wal ahwa, la méthodologie ou la voie des adeptes de l'innovation et des passions. Tasi'an, neuvièmement, tariqul khalas huwa bil ittiba' wa tarkul ibtida'. La voie qui amène à la sûreté, qui amène à être sauvé de l'égarement, c'est le suivi et de délaisser l'innovation. Ashiran, dixièmement, ahammu alamati ahli zir. Dixièmement, les points les plus importants pour reconnaître, ou les signes les plus importants pour reconnaître les gens de la déviance, les gens de l'innovation. Hadi ashar, onzièmement, ba'd al-qawa'id fil manhaj as-salafi. Certaines règles dans la voie des pieux prédécesseurs. Qa'idatun fil amri bil ma'ruf an al-munkar. Une règle concernant d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Qa'idatun fil ibadat. Une règle concernant les adorations. Qa'idatun fi anna madar ad-din 'ala al-'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Une règle que la finalité même de la religion, c'est quoi? C'est un savoir bénéfique et une bonne pratique, les bonnes œuvres. Qa'idatu dar'il mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Une règle concernant de repousser le mal prévaut sur le fait d'amener un bien. Qa'idatun anna al-ahkam al-usuliyya wal-furu'iyya la tatimmu illa bi amrayn wa huma wujud ash-shurut wa intifa' al-mawani'. Une règle concernant les règles dans les fondements et dans les branches, dans les détails de la religion, ne peuvent exister que s'il y a deux choses. Premièrement, la présence des conditions. Deuxièmement, qu'il n'y ait aucun empêchement. Thani achar, douzièmement, mawqifu salaf min al-mubtadi'a al-hadar wa al-tahdhir. La position des salafs, des pieux prédécesseurs, concernant ou à l'encontre des innovateurs, c'est de s'en méfier et de mettre en garde. Thalith achar, treizièmement, al-raddu ala al-mukhalif. De réfuter, de répondre à celui qui était à l'encontre. Rabi achar, quatorzièmement, al-abwab التي يجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام. Les chapitres ou les points qui permettent la médisance et la critique chez les savants de l'islam. خامس عشر, quinzièmement, شروط جواز غيبة المبتدع. Les conditions qui permettent la médisance vis-à-vis de l'innovateur. سادس عشر, seizièmement, عُقُوبَةُ مَنْ وَالَى الْمُبْتَدِعَ. La sentence concernant celui qui s'allie aux innovateurs. Donc, tous ces points-là, je les ai cités sans explication parce que ce sera le thème. Tous ces points-là, ce sera les thèmes du livre. أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا الْإِخْلَاصِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Donc, il prie Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous fasse... qui nous donne la sincérité dans la parole et l'acte. Wa yuwaffiqana wal muslimin lil ilm an-nafi' wal 'amal as-salih wa an yanfa'a bima katabt. Et qu'il facilite à nous ainsi qu'aux musulmans la science, le savoir bénéfique et la mise en pratique de ce savoir bénéfique, c'est-à-dire bien agir avec les bonnes œuvres. Et qu'Allah rende bénéfique ce qu'il a écrit, ce qu'il a écrit comme ouvrage. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-faqir ila afwi rabbihi Abdus Salam ibn Salim al-Suhaymi al-Madinatu al-Nabawiyya Safar am 1423 Hijriya. Là on est dans le mois de Safar, on est toujours dans le mois de Safar, hein, je crois. Mais là c'était en 1423 et là on est en 1433. En 1433, ça veut dire il y a pratiquement 10 ans qu'il a écrit cette introduction. Tayyib. On va se contenter de ces quelques paroles. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et inshallah dimanche prochain après salat al-asr.